pas en arriver là. Ah bah ça y est. Bon, putain, comment on va dans ce bordel là? Attends, attends, il y a la sonnette là. Oui. Bonjour, c'est monsieur Ken Lombard. On a réservé pour une semaine avec internet là sur le site Vacances Valables. C'est bien ici la pension du soleil qui brûle. Oui. Ah, ok. Ben là on a fait une longue route là, on aimerait bien poser nos affaires. Mais elle est où notre chambre? Oui, parce que moi je suis fatigué. Votre chambre? Vous voulez dire vos chambres? Hein? Comment ça? Oui, ici les hommes, les femmes et les enfants sont dans une cellule avant des chambres séparées. Mais nous, on avait réservé une chambre 4 étoiles. Non, 4 chambres d'étoiles. Des chambres en forme d'étoiles? Oui, notre créateur, enfin, notre directeur est très inspiré par les étoiles. Pourquoi des chambres étoiles comme c'est original? Et les gosses là, allez joyeux là, allez voir les autres enfants un coup. Ah oui, laissez-moi vous présenter Dolly, Dolly 2 et Dolly 3. Participation beaucoup plus active lors de cette grande fête du feu. Ah mais d'accord, hein, qu'est-ce qu'on pense, chérie?